antillaise. Un soleil de bronze a teinté ta peau. Ta couleur, c'est ton drapeau. Parfois, ton fardeau. Antillaise. On ne rougit pas de son drapeau. Quand il a fallu tant de héros pour vaincre les chaînes et les couteaux. Yeah, la la la. Yeah, la la la. Yeah, la. Yeah, la. La. Antillaise. Si t'es française, ça ne se voit pas. Tu sens souvent que t'es pas chez toi. Pourtant ils parlent la même langue que toi. Antillaise. La mutation, ça va faire 10 ans. Liste d'attente, alors tu attends. À votre âge, vous avez tout le temps. Yeah, la la la. Volcan.